Excusez-moi, monsieur, où se trouve le magasin Les Galeries Lafayette, s'il vous plaît? Vous prenez la première rue à droite. C'est bien dans cette direction? Oui, vous traversez l'avenue Voltaire. C'est le deuxième magasin juste à côté de la poste. Derrière le théâtre? Oui, c'est ça.